ou de C'est vous qui le dites, elle est à votre disposition. Voilà pour nos 2 heures de dialogue, à demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. On s'informe en compagnie de Marianne Brillaud. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Les orages se trouvent sur l'ouest de la province de Hainaut. Pour l'instant, les régions de Hatte, Chièvre, Mons sont concernées. On nous signale déjà quelques rues inondées à Moucron. Prudence, de fortes averses sont possibles par endroits, ainsi que des chutes de grêle et de très violentes rafales de vent. Cela devrait continuer dans l'après-midi et ce soir, car le temps va rester lourd et chaud. Des maxima qui pourront atteindre 31 degrés. Le Premier ministre britannique David Cameron a voté ce matin à Londres en compagnie de son épouse. Le Royaume-Uni à l'heure du choix, référendum historique aujourd'hui sur le maintien ou non du Royaume dans l'Union européenne. Les Britanniques qui déterminent leur avenir mais aussi celui de l'Europe. Plus de 46 millions d'électeurs appelés à cocher une case. Le scrutin s'annonce très serré dans un Royaume indécis, partagé. Les résultats sont attendus pour la nuit prochaine, voire un peu plus tard. Il a réussi sa première traversée de l'Atlantique. Il a atterri ce matin à Séville, dans le sud de l'Espagne. Première traversée de l'Atlantique réussie donc pour l'avion Solar Impulse 2 dans son tour du monde, avec le soleil pour unique carburant. « Je ne peux pas réaliser, c'est tellement fantastique », première déclaration du pilote suisse Bertrand Piccard. Il communiquait avec le centre de contrôle de l'avion à Monaco. Le prince Albert de Monaco était présent pour cette arrivée. L'avion solaire avait décollé lundi de New York pour la 15e étape de ce tour du monde, plus de 6200 km au-dessus de l'océan. Ce chiffre, 1 million, le système d'avertissement de radar Coyote vient de dépasser le million d'utilisateurs payants dans notre pays. Parmi ses abonnés, 265 000 utilisent une application sur leur smartphone. Le reste utilise un appareil dans son véhicule. La période mai-juin, à l'approche des grandes vacances, évidemment, est traditionnellement celle où la société enregistre ses meilleurs chiffres de vente. 48 heures de relâche à l'Euro de football. Les premiers huitièmes de finale se joueront samedi. Les Diables Rouges se sont qualifiés hier soir en battant la Suède 1-0. Les Diables qui s'entraîneront ce soir à 18h. Et avant cela, l'entraîneur Marc Wilmots rencontrera la presse à Nice. La Belgique jouera contre la Hongrie dimanche soir à 21h à Toulouse. La Hongrie, c'est un peu la surprise du chef. Elle a terminé première de son groupe. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, un autocar en panne sur la E40. Exactement, à hauteur de Bautersem, il est en voie de droite en direction de Bruxelles. Prudence, des enfants seraient sortis du car, ils se trouvent sur la voie d'arrêt d'urgence. Donc prudence, si vous passez par là, des ralentissements pour accéder à Bruxelles, encore sur le 411 de Namur entre Vereys et Léonard. Vous perdez entre 15 et 20 minutes. Perte de chargement sur le 40 Gand-Bruxelles à hauteur de Grand Bigard. La station service est inaccessible en direction de la capitale. Sur le ring de Bruxelles, ça va tout de même un peu mieux, mais vous perdez encore une vingtaine de minutes en circulation intérieure entre Hautitre et Grand Bigard. 10 minutes supplémentaires que ce soit en extérieur entre Hautitre et le Carrefour Léonard ou entre Grand Bigard et Hautitre. Dernier ralentissement dans le centre de la capitale et puis vous ralentissez encore sur le 403 Bruges Tournai dans le chantier entre Rue de Vordes et Ardois. 20 minutes supplémentaires en direction Tournai. Waouh, super, je vais sur le toboggan et moi dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est l'heure de retrouver toute l'équipe des pigeons. Merci Marianne, retour de l'info à midi. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolveau. Les amis. On a bouffé du suédois, alors on va parler suédois aujourd'hui. Alors, comment ça va Billy? Billy étant la bibliothèque de chez Ikea, on va s'arrêter là. Au programme de ces 2 heures dont n'est pas des pigeons dans le journal de la console, les amis, vous n'imaginez pas ce qu'il y a. et on va vous inviter à manger des œufs. J'allais dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on va vous inviter à manger des œufs. Et même que ce sont des œufs que vous pouvez acheter 24 heures sur 24 parce qu'ils sont vendus dans un distributeur. Non. Ça s'appelle une poule, hein, tu sais ça. Tu mets 5 francs dans la poule, enfin... Mais non, mais c'est con, en distributeur 2, ça s'appelle une poule. Bah oui. Mais arrête, on a inventé un truc. Oui, ça passe à Walcourt. D'accord, super. Je ne te répondrai pas. Xavier, on va prendre un petit café avec vous. Oui, et on va voir que le café, il n'a pas toujours les effets qu'on veut et que c'est parfois un peu plus nocif si on le prend aux mauvaises heures que si on le prend aux bonnes heures. Enfin, voilà. Dans l'équipe, il y en a un qui ne renonce devant aucun sacrifice et il teste depuis la semaine dernière l'euro de football version low cost. L'euro de football. L'euro de football. Voilà, on s'arrête. Et c'est Frédéric qu'on retrouvera en direct de Nice dans quelques instants. Il va nous dire quels étaient les bons plans hier, si le saumon Gravlax ou les... Il nous ferait une bise de Nice. Une brise de Nice. Voilà. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, évidemment. Et puis la séquence best-of sur les aliments qui ne font pas grossir, ou pas trop en tout cas. On retrouvera ça dans le courant de cette émission aussi. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi envoyer un message. L'adresse c'est pigeonpluriel@rtbf.be. Notre répondeur 070 222 660. Je rebondis rapidement sur les bises de Nice. Hier, Rodrigo Benkens, en parlant de Dries Mertens, a quand même réussi à placer Dries de Nice. Ah, pas mal. À mon avis, il l'avait écrit déjà au début de l'année. Oui. Pour être sûr de la sortir. Si vous avez envie de musique, il y aura de la musique aussi. Enfin, on s'entend. Si, si, je vous jure, à part si Maître Gibbs, il y aura aussi de la musique. Ah, London Beat. Avec ce souvenir des années, je ne sais plus combien, mais on est dans les années 80 sur ce coup-là. Vous écoutez On n'est pas des pigeons, vous écoutez Vivacité, on est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Entre Noël et jour de l'an, sur les quais des gares, des enfants qui passent de papa à maman, le cartable et la brosse à dents. Les histoires du soir ont changé, plus de princesses à libérer. J'ai de papa, j'ai de maman, mais je suis toujours un enfant. C'est le monde moderne, les gens sont les mêmes. Il y a des joies, des peines, il y a des cœurs qui s'aiment. La chanson, c'est la même. Il y a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. C'est le monde moderne et moi je suis le même. J'ai des joies, des peines, j'ai mon cœur qui s'aime. Mais pour moi c'est idem, tu es parti quand même dans le monde moderne. Son temps quand on voit la joie. Calogero avec une chanson triste. Enfin, comme d'habitude, comme quoi. C'était le monde moderne. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Dans le courrier du jour, nous avons reçu un mail de Colette. Oui, j'ai acheté chez Deleuze du vin de Bordeaux. Sur les bouteilles, il y a un bon de 50 euros à gagner chaque mois en vin de Bordeaux. Il suffit de surfer sur winebordeaux.be pour avoir la chance de gagner un des bons d'achat. Mm-hmm. Seulement voilà, le site est inexistant ou impossible à trouver. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Colette ? Mais oui, Colette. Mais oui, parce que moi, j'ai cliqué dessus. Ça marche très, très bien. Mais Colette, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais oui. Mais enfin, Colette. Colette, franchement. Et... réessayez, Colette. Oui, vous allez voir, ça marche très, très bien. Autre message, celui de Michel. Oui, ce jour. Bah, Michel, qu'est-ce que vous avez... Ah non, on n'a pas encore... Ah non, vous allez voir, c'est autre chose. J'ai acheté une salade mélangée chez Lidl à Cour-Saint-Étienne, donc en Wallonie. Déjà, c'est bien, il ne s'est pas trompé. Non, c'est bien. Hein ? De retour chez moi, je veux vérifier la composition de la dite salade, une salade américaine exactement. À mon grand étonnement, seule la composition en néerlandais est inscrite. N'étant pas parfait bilingue, je ne suis pas sûre de ce que j'ai mangé. Une salade, c'est une salade. Cela. Américain, c'est cela. Yeah. C'est tout. Voilà. Bah écoutez, mais faites une photo la prochaine fois. Avec le panneau, cours Saint-Etienne, la salade en avant-plan. Il y a moyen de faire des photos rigolotes. On a encore des messages ? Oui, il y a celui de Fabien. Oui, il a envoyé une photo, lui, qui carrément. Qui, justement, nous a envoyé une photo du folder Cora avec un grand écran. C'est une télé Sony. Manifestement affiché en grand à 1499 euros au lieu de 1199 euros barrés. D'accord. Donc vous payez plus cher que le vrai prix. Et ben ça c'est de la promo. Ça c'est promo. C'est des photos comme ça, ça nous fait toujours bien rire. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur la page Facebook ou nous envoyer un mail pigeon@rtbf.be et on relaye ces photos. Et des photos, on en trouve un petit peu bizarres. Alors, j'ai lu The Sun. Tu connais le... Ouais, The Sun, hein. Alors, je pourrais lire The Times, mais The Sun, c'est plus drôle. Oui, c'est un peu comme quoi, comme le voici version anglaise. Et alors, dans les photos bizarres, il y a une nana. Elle s'appelle... Attends, que je retrouve son nom. Elle s'appelle Jessica O'Brien. Elle vendait son canapé. Oui. Sur un site. Et donc, quand tu vends un canapé, tu fais des photos de ton canapé. Non. Ah, si. On la voit venir. C'est glisser une photo un petit peu dénudée de sa poitrine. Ah oui, j'ai vu ça. Et on peut dire que le canapé est proportionnel à la poitrine. C'est-à-dire c'est un énorme canapé. Mais comment elle a fait son compte ? C'est avec des gros coussins, on doit être bien dedans. Ouais. Enfin, oui. Mais alors voilà, donc c'est le genre de truc. En même temps, ça a très bien marché parce que. Elle voulait juste vendre son canapé. Ah ben là, elle a vendu ses seins. Et là, on en parle même en Belgique. Donc son canapé, partout. À coup sûr, elle l'a vendu. Ça, c'est évident. Mais c'est un gros canapé. En même temps, si tu regardes bien la photo du canapé, viens voir Xavier. Oui. Tu dois te faire mal au milieu parce qu'il y, y a comme qui dirait un piercing au milieu du coussin. Oui. Donc un peu, oui. Ça peut. C'est comme ça qu'on. C'est comme ça, ça fait mal. Hein. Il faut faire attention. Oui. Faut faire attention. Acheter le canapé de Jessica, mais. Et j'imagine tous les mecs qui ont été visités. Est-ce qu'on peut venir voir le canapé avant de l'acheter? Parce que voilà, ça suffit. Si vous avez des photos originales, n'hésitez pas à les communiquer. On partait de ça, hein, à la base. Oui. On est d'accord. Des photos originales, même de vos canapés, hein, aussi, si vous voulez. Ça marche on est preneur. Il y a Maître Guim Cécilia qui arrive et qui nous disent qu'ils nous pardonnent. Et puis on prend la direction de Nice pour les bons plans de l'Euro de foot. Moi, j'aime le poisson, surtout quand il est bien frais. Ah oui, le poisson, ça doit être frais, comme nos excellents matchs nouveaux. Hein, c'est Marc ? Oui, petit, c'est enfin la saison des matchs. Et les nôtres, pleins de goût et fondants à souhait, viennent de la haute mer, en barquette de 2+1, gratuit. Comment ça, ils viennent en barquette ? Ça s'est pas nagé, hein, matchs ? Petit. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos excellents matchs nouveaux sont en 2+1, gratuit. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Cet été, profitez en famille des meilleurs parcs d'attractions avec des entrées gratuites dans vos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair, La Capitale et Le Soir. Chaque samedi, une entrée gratuite à l'achat d'une entrée achetée dans un parc d'attractions. Réservez vite votre journal et amusez-vous tout l'été grâce aux journaux Sud Presse et Le Soir. Biofine de Pré, votre supermarché bio de la route du Condreau, fête déjà son premier anniversaire. Alors ce samedi 25 juin, on dresse un énorme chapiteau pour accueillir la foire du bio. Plus de 30 producteurs partenaires vous feront goûter plein de délicieuses choses. Et dans le magasin, c'est moins 10% sur tout. Allez hop, cadeau! Biofine. Biofine.be. Stop!

magnifique, hein, avec 8000 Belges, les rues de Nice toutes jaunes, parce qu'il y avait quand même les Suédois aussi, qui sont très très festifs, qui ont des gros moyens, qui étaient dans les bars les plus chers, et puis les Belges qui étaient dans les bars les moins chers, c'était vraiment caractéristique. On s'en va, les Scandinaves, ils ont quand même du pognon. Hein. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi les Belges, quoi, quelque part, on a fait le road foot low cost. Alors, les bons plans, c'était quoi? Et les bons plans pour les matchs à venir, c'est quoi? Donc, oui, parce que, effectivement, déjà dire, c'est très important, hein, qu'il y aura des billets à vendre à partir de 14h sur le portail UEFA pour le match Belgique-Hongrie de dimanche à 21h à Toulouse. Donc il faut déjà se créer un compte rapidement si vous n'en avez pas, se mettre immédiatement dans la file d'attente virtuelle du portail de l'Union Européenne de Football et tenter votre chance dès 14h quand ce sera ouvert. Mais il faut déjà maintenant se mettre dans la file d'attente. C'est un tout petit stade à Toulouse, c'est le plus petit de l'Euro et donc il n'y aura pas beaucoup de places disponibles, d'autant que beaucoup de tickets ont déjà été vendus. Alors vous dire que, par exemple, pour venir à Nice, c'était juste impayable. Le ticket d'avion proposé par Russell Airlines, c'était environ 6 à 700 euros. Ah ouais. Moi, j'ai payé combien ? 51 euros. Et attends, quoi, on vous a parachuté au-dessus ? C'était quoi l'astuce ? Oh, j'ai pas mal de peine et rien. Non, j'ai quand même fait une petite astuce. En fait, il faut casser les codes dans les cas des grands événements. Il faut pas atterrir là où tout le monde atterrit. Alors, Marseille était cher aussi parce que c'était la France et qu'il y a l'Euro 2016. J'ai atterri à Milan. Oh, c'est quand même à 350 km de Nice. Mais à 51 euros, c'est pas cher du tout. J'ai loué une voiture avec un broker qui s'appelle doyouitaly.com. Alors j'ai essayé, c'est un broker qui compare les comparatifs. Donc c'est vraiment le moins cher du moins cher du moins cher. On a des voitures pour deux jours à 50 euros. Pour l'Italie uniquement, hein, c'est pour l'Italie. C'est ça, c'est pour l'Italie, en tout cas doyouitaly.com. Mais de toute façon, quand on réserve une voiture, il ne faut jamais aller chez les grandes marques genre Hertz et Europcar. Il faut toujours prendre un broker, c'est-à-dire par exemple aller sur un site, par exemple jetcost.com, qui est un comparateur de comparateurs et qui va vous donner le meilleur prix du meilleur prix du meilleur prix. D'accord. Jamais vous n'aurez une location en direct chez un grand loueur, mais via ce broker, vous arriverez chez un grand loueur, c'est toujours très sérieux, ça marche. Qui plus est, le broker, il propose aussi l'assurance rachat de franchise, c'est très important parce que quand on loue une voiture, vous savez, on a souvent une franchise de 2000 euros sur la voiture en cas de crash, et avec ces brokers, donc des marques pas très connues mais qui sont très fiables, vous pouvez racheter la franchise pour 20 euros au lieu de 70-80 euros si vous achetez la franchise chez le grand loueur Hertz Europcar, donc vous avez vraiment intérêt. La différence, c'est quoi? Il faut quand même le dire, c'est que si vous avez un départ avec votre voiture, vous devrez avancer l'argent de la franchise, donc les 2000 euros par exemple, si vous avez pris un broker qui vous a renvoyé chez Hertz, mais c'est votre broker qui vous remboursera la franchise après coup. Il faut donc avancer l'argent. C'est le bon plan. C'est le bon plan pour se déplacer quand c'est frontalier, le stade est proche d'une frontière. Pareil pour l'hôtel, je présume, il ne fallait pas dormir à Nice. Voilà. L'hôtel, là, je suis juste sur la plage ici à Vintimille en Italie. Je suis juste à côté de Monaco. Mais voilà, il y a toujours des gens qui nagent autour de moi. On attend de retourner à Milan pour aller chercher l'avion. C'est magnifique, il fait 29 degrés. Et ça va? Non, ça va. Ouais, bon, okay, tu vas sortir. Hein, et donc, effectivement, l'hôtel, il était à 75 euros avec petit déjeuner. À Nice, c'était 500 euros avec le petit déjeuner. Et on a été servi royalement en plus. J'étais super content d'avoir des Belges. Et déjà, pour visiter la Côte d'Azur, Nice-Monaco, le bon plan, c'est aussi de venir en Italie à Vintimille. C'est beaucoup moins cher que Nice-Monaco et l'accueil est vraiment très très sympathique. Donc ça, c'est vraiment bien. Encore un petit mot très important sur les avions. Moi, je suis venu à Milan avec EasyJet. Alors, on peut venir aussi à Milan avec Ryanair. C'est les deux sociétés qui font le plus d'argent en Europe, qui sont les plus rentables. Hein. EasyJet était passé devant Ryanair récemment parce que c'était un peu plus tendance, un peu plus sympa, EasyJet. Vous savez, chez Ryanair, Michael O'Leary, le patron, est une sorte de terroriste qui voulait même faire payer les WC. Et il a revu sa copie et il est devenu plus sympa chez Ryanair. Par exemple, on ne pèse plus les bagages. Vous savez, on a 10 kilos qu'on peut mettre dans l'avion. Avant, on pesait les bagages à Charleroi. Il y avait des armées qui vous arrachaient votre valise, qui les mettaient sur une balance. D'où ces scènes où les gens enfilaient 6 à 7 pulls sur eux-mêmes pour faire diminuer le poids de la valise. Ça s'est vu souvent, mais je l'ai fait aussi. Hein. Et ben maintenant, Ryanair est beaucoup plus sympa parce qu'il s'était fait devancer par EasyJet. Et donc, on peut non seulement prendre une valise qu'on ne pèse plus, tolérance, et deux, on peut même prendre un sac à dos en plus. On peut prendre deux sacs chez Ryanair, ce qui fait que les avions sont plein, et ce qui n'est pas le cas chez EasyJet. Là, on peut prendre qu'un seul sac, et c'est très contrôlé. En plus, en moyenne, les billets EasyJet sont environ 13 euros plus chers que les billets Ryanair. Donc, alors, important. Ça, c'est pour vos expériences. Les prochains matchs, il y en aura par exemple à Lille. Et là, le conseil, c'est de faire comme vous avez dit, il faut dormir en Belgique, il ne faut pas aller dormir sur l'île. Voilà. C'est clair, le quart de finale potentiellement contre le Pays de Galles ou l'Irlande du Nord, c'est à Lille. Et à Lille, on a fait le sujet en caméra cachée pour les pigeons en télé. C'est une catastrophe. Lille, le 1er juillet, c'était justement pour ce jour-là qu'on avait prévu. C'est des hôtels, même des petits hôtels genre Formule 1, ils sont passés à 200 euros au lieu de 45. Ouais, ouais, ouais. Les hôtels moyens de gamme, ils sont à 500 euros. Il faut dormir à Tournai. Voilà. Le stade, il est situé rue de Tournai. Vous imaginez que c'est vraiment pas loin. C'est donc pas loin. Les hôtels de Tournai qui sont restés au même prix mais qui augmentent un peu sont évidemment en train de faire le plein. Dernière chose, mais aussi important, on peut pas boire d'alcool dans les rues Alors hier, il y avait quand même beaucoup de boutiques qui discrètement vendaient de l'alcool, mais ils vous mettaient des sacs... comme aux États-Unis, comme dans les films. Exactement, c'était très drôle. Alors, c'était rempli de gens. Cette petite boutique où il est mis en grand, interdiction de vendre de l'alcool. Et on vendait de l'alcool. Tant que vous vouliez. Donc, si vous voulez boire un peu d'alcool à Lille, bah, vous dites. Mais bon, on n'encourage pas. Non, on n'encourage pas du tout. Dis, Fred, profite de la plage, hein. Bon retour. Voilà, voilà. Et alors, le prochain Toulouse, match, c'est Toulouse. Ouais, Toulouse. Toulouse. Rapide, rapide, rapide. Toulouse pour le déplacement, très rapide. Comment faire pour aller à Toulouse? Ben, les avions hors de prix, même aller à Carcassonne avec Ryanair, aller à Perpignan, à Montpellier, c'est cher à fond. Ryanair a augmenté tous ses prix, EasyJet aussi, c'est plus possible. La seule possibilité, c'est d'encore aller en voiture à Paris et prendre le train à Paris. Le Paris-Toulouse est encore accessible, mais il faut aller jusque Paris. Il faut casser les codes de nouveau, pas faire le trajet que tout le monde fait. Sinon, c'est impayable, sinon, il faut aller en voiture. Et c'est quand même 10 heures de route jusque Toulouse pour voir les Belges peut-être se qualifier, c'est historique. Les, pour les quarts de finale. Bon plan de l'Euro avec Fred. On roulera moins là. Merci Fred. Ciao. Chez Optique Buisseret, profitez du meilleur confort visuel. À l'achat d'une paire de verres Varilux, Optique Buisseret vous offre jusqu'à 500 euros sur la seconde paire. Conditions en magasin. Optique Buisseret, rue des Clarisses et Galerie Opéra à Liège et à Marche. Optique Buisseret. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival Liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be avec la DH et Moustique. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Dites au Vos. Où est Lemens? À part la Belgique, t'es pour quelle équipe toi à l'Euro? Mais pour le Brésil, hein? Quoi? Le Brésil participe à l'Euro? Oui, oui, oui, à chaque match. Lemens. À part la Belgique, t'es pour quelle équipe toi à l'Euro? Mais pour le Brésil, hein? Quoi? Le Brésil participe à l'Euro? Oui, oui, oui, à chaque match. Bah voilà! De Vos Lemens. À table! qu'est-ce qu'on a dansé là-dedans? Oh. Là-dessus. Oui. Enfin, là-dedans. Ouais, enfin, oui, bref, oui, London Beat, I've been thinking about you. C'était en 1990, en plein les années Get Up, comme disent les jeunes de notre âge. C'est vrai, les années Get Up. Allez, on part sur les routes. Caroline Gillet, comment ça se passe? Les années Get Up. Allez, on va partir sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, puisque suite à d'importantes chutes depuis aux environs de Nîmes-Mézières, eh bien la chaussée est inondée au kilomètre 56 en direction de la France. Ralentissement toujours sur les axes qui mènent à Bruxelles, sur le 411 venant de Namur, défile depuis Overhaze jusqu'à Léonard. Perte de chargement signalée sur le 40 Gand-Bruxelles à hauteur de Grand Bigard. La station-service reste inaccessible en direction de Bruxelles. Sur le ring, ça reste dense en circulation intérieure. Au titre, Grand Bigard comptait encore une demi-heure supplémentaire dans le chantier. Et puis en extérieur, au titre Carrefour-Léonard, vous perdez une dizaine de minutes. Vous patientez encore dans la plupart des tunnels de Bruxelles à cette heure-ci. Et puis on part sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse, puisque des déchets de pneus ont été signalés. Deux voies de circulation sont bloquées en direction de Liège. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez. Fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez. Et si on passe au journal de la conso? Oh oui, oh oui, oh oui, la bonne idée. Dans le soir du jour, on apprend que la SNCB aurait du mal à indemniser les voyageurs qui se plaignent. Oui, c'est ce que dit le rapport du service de médiation pour les voyageurs ferroviaires. C'est joli, hein? C'est bon. Ouais. En 2015, 6188 plaintes ont été déposées, 2129 dossiers ouverts, principalement en néerlandais. C'est le cas pour 83% des plaintes, ce qui est déjà assez curieux. Et puis, ils... Mais tu sais pourquoi? C'est parce que les trains ne roulent pas en Wallonie. Ça doit être ça. C'est pour ça. Et en fait, il n'y a pas tant de plaintes que ça pour les retards. Seulement 623 plaintes sur les 6188, ça ne fait pas encore tant que ça. Mais surtout, ce que le rapport pointe du doigt, c'est un système de compensation qui est de plus en plus compliqué. Donc en gros, le rapport se demande si ce ne serait pas fait exprès pour dissuader les voyageurs. Okay. À tel point qu'ils ont quand même ajouté à leur fameux rapport deux lettres ouvertes. Une au responsable de la SNCB pour dire « Eh, faites gaffe ». Et une autre pour le grand public, pour donner les trucs et astuces pour remplir les formulaires et aussi les pièges à éviter. Mais ça, c'est bien. Toujours dans le soir, les Belges achètent de plus en plus à l'étranger. Oui, leurs achats hors frontières ont augmenté de 29% entre 2010 et 2015. À cela s'ajoutent les dépenses en ligne. Comeos, la Fédération du commerce et des services, a souhaité quantifier le manque à gagner pour son secteur. Ça fait 2,814 milliards d'euros. En moyenne, chaque acheteur belge dépense près de 600 euros par an à l'étranger. Et si le montant moyen par déplacement a baissé en 5 ans, donc il est passé de un peu plus de 62 euros à 58,50 euros, eh bien la fréquence des visites dans un magasin étranger a, elle, augmenté. On est passé de 8,3 à 10,3. Donc c'est on bien. Dépense moins, mais on va quand même beaucoup plus souvent. Vous êtes compliqué aujourd'hui dans votre journal de la conso, il y a beaucoup de chiffres. 10,3. Donc c'est on bien. Dépense moins, mais on va quand même beaucoup plus souvent. Vous êtes compliqué aujourd'hui dans votre journal de la conso, il y a beaucoup de chiffres. Acheter local, on a un bon plan, et c'est dans les journaux du groupe. Oui, ça se passe à Walcourt. Vous pouvez acheter des œufs 24 heures sur 24 grâce à un distributeur. C'est sans doute une première en Belgique. Ben oui, il y a un mec qui a inventé ça. Vincent Brognet a eu l'idée de retaper un ancien distributeur à pain pour vendre les œufs de son exploitation. La machine a été installée samedi et rencontre un très vif succès. C'est de la curiosité. Et gna. Ouais, mais c'est non, c'est pas vrai. Alors d'abord, ce sont des œufs bio, donc oui, ça c'est oui, bien. Oui, oui, oui. Et puis ils coûtent moins cher que dans le commerce, 1,80€ pour 6, 3,20€ pour 12. Le problème, c'est quand l'œuf tombe dans le distributeur. Justement, non, c'est un distributeur où ça ne tombe pas, parce que ça, je savais que vous alliez essayer de me piéger sur cette info. Vous pouvez avoir toutes les infos sur la page Facebook que vous trouvez en tapant « Les poules de Castillon » dans le moteur de recherche. D'accord. Voilà. Un distributeur... Eh bien, moi je dis, ça pourrait donner des idées à d'autres exploitants. Exactement. Hein? Mais oui, tiens. Mais inventons des distributeurs de tout et n'importe quoi. Mais quand tu rentres à 20h et que tu as envie d'avoir des œufs frais, c'est vrai. Bio, c'est toujours... et que tu habites près de Walcourt, tu vas chez le Pakistanais. Non, mais ça c'est plutôt en ville, ça. Ah mais, oui. Mais non, mais à Walcourt, tu penses qu'il y a beaucoup de Pakistanais. L'idée est intéressante. L'idée est intéressante à creuser. Bon, on poursuit avec Le Monde de Dory qui sort au cinéma sur nos écrans. C'est un peu la suite du Monde de Nemo. Mais ça a des répercussions auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Oui, Dory, c'est ce poisson qui n'a pas de mémoire, hein, pour resituer un petit peu. Alors si au contraire, vous avez de la mémoire, à l'époque de la sortie de Nemo, les magasins de poissons avaient vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons clowns. C'est vrai. 40% de plus. Ouais. Bien souvent, on ne savait pas comment il fallait faire pour les mettre dans l'eau chaude ou l'eau froide. Ouais, bref, déçu parce qu'ils racontaient pas de blagues. Ouais. Voilà. Et les poissons il y avait de clowns que le nom. Eh bien, le problème, c'est qu'ici, on pourrait voir le même phénomène arriver. D'ailleurs, c'est déjà en cours avec des poissons chirurgiens bleus, puisque c'est ça la variété. Enfin, je sais pas comment. Il perd dans quel bloc? Eh bien, écoute, c'est vrai. Non, mais c'est pratique. Si t'as des poissons malades dans ton aquarium, t'achètes un poisson chirurgien. Ils opèrent. Il faut savoir que, en fait, les petits poissons de ce genre sont pêchés à coups de cyanure, même si c'est interdit. Oh. En fait, on diffuse du cyanure là où ils se trouvent. Oh, ça bien. Bloque leurs branchies. Du coup, ils flottent un peu et ils sont repris. Oui. Alors, d'abord, ces poissons-là, il n'y a que les plus forts qui survivent. Oh, c'est pas bien. Les autres, ils meurent dans les 2 à 3 semaines après la pêche. Et en plus, ça bousille complètement l'écosystème. Pas bien. Pas bien. Ne tombez pas dans cette mode, s'il vous plaît. Voilà, c'était c'est tout ce qu'on devait dire. C'est le message qu'on vous donne. Et l'autre message qu'on vous donne, c'est dans quelques minutes, un petit café. Ah, ça ferait du bien une petite pause café, Xavier, mais avec modération, hein, on fait gaffe avec le café. Oui, et pas à n'importe quelle heure, surtout. C'est vrai? Ouais. Là, genre 11h40. Ouais, là, ça va. Là, oui, là, bon, franchement, on peut se le permettre. Ah, bon, on fait ça alors. Pour moi, le match ne commence pas avec. Non, t'as raison, il ne commence pas non plus avec. Tout à fait d'accord. Il ne commence même pas avec. Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce début. Non, pour moi, le match commence. Avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Fanny? Oui, monsieur? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim? À quel sujet? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier? Justement. Appelez Convert. Ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Mmh. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de l'APACW avec le soutien de Vivacité et Sud-Presse. Et Sud-Presse. Tout faire matériaux. En ce moment, le revêtement de sol stratifié, épaisseur 7 mm, coloris peint gris, facile à poser grâce à son système clipsable et garanti 10 ans, est à 5,99€ le mètre carré. 5,99€ seulement. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. Besoin de faire développer vos photos? De faire un reportage photo pour un événement ou d'encadrer vos projets sur mesure? Venez vite chez Pose Photo, le spécialiste de la région de Pepinster. Pose Photo, rue 929 à Pepinster. Le commerce autrement, localisy.com. Localisy.com. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. So the morning had to make a man dash. Hey now, c'était Chris Cab sur Vivacité avec Bada Bing. On n'est pas des pigeons. Xavier, le matin, est-ce que vous faites un petit noir pour vous réveiller? Pourquoi un petit? Bah, ou un grand, je sais pas. Bah oui, un grand, ouais, mais non, ceci dit, je le prends bien serré, mon petit noir, avec une pointe de sucre. Et le résultat est là, hein, parce que vous êtes étincelant quand vous arrivez au boulot le matin, c'est beau. Étincelant de gueule de bois après la fête post-match d'hier, car figurez-vous que le café au réveil, en fait, c'est pas forcément top. C'est du moins ce que révèle aujourd'hui le site 7 sur 7, qui reprend lui-même le site britannique Metro. Bon, on va égrener ces idées reçues sur le café avec Alfred Bernard qui est avec nous au téléphone. Bonjour Alfred Bernard. Oui, bonjour. Vous êtes toxicologue. La première question, la première idée reçue, est-ce que le café au réveil, ça retape finalement ou pas? Oh, ben écoutez, moi j'ai essayé de retrouver ses sources. C'est le Metro, puis le Washington Post, puis ça tombe sur YouTube. Et donc, moi j'ai pas vu d'études scientifiques sérieuses. Ce qui est vrai, c'est que la caféine stimule la production de cortisol, et c'est ce qui se passe le matin. Et donc, pour certaines personnes, vous en avez peut-être assez. Pour d'autres, un petit plus, si on doit aller au travail, être vigilant très rapidement peut être utile. Donc, la tolérance se développe que vous le preniez au matin ou dans l'après-midi. Hein. C'est pas uniquement le matin que ça se développe. C'est un processus métabolique qui favorise l'élimination de la caféine. On parle de danger d'accoutumance en prenant un café dès le réveil. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais c'est le cas toute la journée. Si d'accord. Vous en consommez régulièrement, vous stimulez les mécanismes de détoxication de la caféine. Et donc, c'est exactement comme pour le tabac, pour l'alcool. C'est une drogue très douce. Et donc, plus vous en consommez, plus vous devenez tolérant, plus vous avez besoin de café ou de caféine. Donc, c'est ça la tolérance. C'est simplement parce que vous éliminez de plus en plus vite. Et donc, pour avoir un certain taux dans le sang, vous devez en consommer plus. D'accord. Mais ce n'est pas lié à la consommation uniquement matinale. C'est ça qui est important. D'accord. On dit, deuxième idée reçue, qu'un café bien fort, ça retape mieux. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça retape. Les effets bénéfiques du café à court terme sont bien établis, hein, sur l'activité physique, sur l'attention. Et donc, ça stimule effectivement le système nerveux central. Et donc, il y a des effets bénéfiques. Ça retape un peu, ça remet donc le cerveau en activité. Et donc, ça, c'est l'aspect bénéfique du café, pour l'attention notamment. Il y a d'autres aspects bénéfiques qui sont peu évoqués ici, mais qu'on peut développer, hein, qui ressortent de plus en plus dans la littérature. Mais écoutez, on voit apparaître maintenant des études, il y en a quand même beaucoup, je vois plus d'une trentaine qui font des associations entre le café et, par exemple, le diabète de type 2. Donc il semble qu'il y a un effet protecteur. Si vous consommez 4 à 5 tasses de café par jour, ça peut réduire de 30%. Ah bon? Le diabète de type 2, c'est quand même une maladie qui explose un peu dans notre société. Et qui nous guette tous. Oui, qui nous guette tous, effectivement. Ce qui est très intéressant, c'est que cet effet protecteur n'est pas lié à la caféine. C'est lié à des composés de type phénolique qui sont dans le café, contienne de la caféine ou pas. Donc, même si vous prenez un café décaféiné, vous avez cet effet protecteur. Alors, il y en a d'autres qui ressortent. Hein. Il y a celui, notamment, une association inverse avec le Parkinson. Certaines études parlent également d'une association possible avec la maladie d'Alzheimer, simplement parce qu'il y a cet effet stimulant sur le cerveau, donc sur la mémoire. Donc, il y a quand même pas mal d'effets bénéfiques qui ressortent. D'accord. Troisième et dernière idée reçue, le café, il faut le boire bien chaud. Oui, ça c'est une mauvaise idée, parce que comme l'a montré récemment l'OMS, au fond, pendant très longtemps on a pensé que boire du café c'était un risque accru de cancer, et en réalité le risque de cancer c'est lié à un facteur confondant qui est la température élevée. Et donc ce risque de cancer peut apparaître si vous buviez du café avec ou sans caféine, du thé, donc des boissons chaudes, irriter l'œsophage, et ça facilite le développement de cancer, notamment au niveau de l'œsophage. Bon. Et donc, il faut qu'il ne soit pas trop chaud. Comme dans tout, il faut boire avec modération, quoi. C'est ce qu'on dit chaque fois. Bien sûr, avec modération, quelques tasses par jour, et surtout ne pas le boire trop chaud. Voilà, merci ça Alfred Bernard pour avoir cassé toutes ces idées reçues avec nous. J'en ai une dernière pour vous, Xavier. Il faut stocker ces grains de café dans un endroit sec. Eh bien, pas forcément. Figurez-vous que d'après le New York Times, le meilleur endroit pour stocker ces grains de café, c'est dans le congélateur, parce que ça développerait les arômes. Mais d'accord. En Italie, on met au frigo le café. Eh bien, on apprend des choses tous les jours. Encore un soir, c'est Céline Dion. Elle arrive juste après la pause. Et puis, on se replonge dans les grands moments de cette émission. On va vous parler de régime. On va voir si on peut maigrir de diverses manières. Il n'y a pas que le sport. Si, je te jure. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires mini format premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Viva. Vivacité présente

On n'est pas des pigeons, le best-of. On peut aussi surveiller ce qu'on mange, éviter les 40 grammes de chips au paprika, 216 calories, un Twix, 248 Arrête calories. De me regarder comme ça, et la gaufre au sucre que vous avez, non, ah non, pas aujourd'hui, non. 390 calories. Et vous ne le savez peut-être pas, il y a des aliments qui sont recommandés pour perdre du poids. Ah bon ? J'ai lu qu'une banane, ouais, contrairement à ce que je croyais, eh bien c'est peu de calories, environ 90 calories pour 100 grammes, et c'est un super coupe-faim. Eh ben pour éviter ça, on appelle notre... Pour vérifier ça, on va appeler notre diététicien nutritionniste préféré. Bonjour Nicolas Guggenbulk. Bonjour Sébastien, bonjour toute l'équipe. Les bananes, Nicolas, peuvent aider à perdre du poids, c'est vrai ou pas ? Bon, c'est moyennement vrai. Disons que la banane, c'est quand même assez assez grand comme fruit. Donc si c'est une petite banane, oui, c'est vrai qu'on est aux alentours de 100 kilocalories. Ah, mais c'est comme un petit paquet de chips. Ah non, comme deux paquets de chips. Mais pourtant, on a quand même l'idée que la banane, c'est un indice glycémique très élevé, que c'est plein, oui, de sucre. Alors, c'est là que ce qui est en fait plus intéressant, c'est de prendre une banane un petit peu verte. Parce qu'à ce moment-là, son index glycémique est beaucoup plus bas. Donc, elle diffuse son énergie de manière beaucoup un petit peu verte, parce qu'à ce moment-là, son index glycémique est beaucoup plus bas, donc elle diffuse son énergie de manière beaucoup... Et plus elle est mûre, moins elle a d'effet sur la satiété, en fait. Poire, pamplemousse, ananas, on peut y aller sans modération ? Les fruits, on peut y aller, mais quand même pas sans modération. On conseille de ne pas dépasser 3 fruits ou 3 portions de fruits par jour, parce qu'il y a quand même un apport de sucre, donc de calories. Voilà. Les pommes, les œufs durs sont également d'excellents coupe-faim, c'est vrai ça ? Alors la pomme, oui, d'autant que la pomme, il faut vraiment la mâcher, donc c'est vraiment la différence avec un smoothie de pommes par exemple. La pomme à mâcher, ça a des effets sur la satiété très intéressants, de par la teneur en fibres, en eau, mais aussi par la mastication. Et l'œuf dur, c'est également un coupe-faim un peu insolite par rapport à tous les snacks qui sont proposés, ouais, souvent très sucrés, puisque lui a l'avantage de n'être pas sucré, d'être riche en protéines, et les protéines ont un effet coupe-faim un peu supérieur aux graisses et aux glucides et sucres. Le problème, c'est que ça sent un peu dans le sac des dames. Tu vois, si on se fait un œuf le matin. Et pour le foie, parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas manger plus de 3 œufs par semaine, parce que pour le foie, oui, c'est un peu mais dur. Alors ça, c'est, en fait, c'est un petit peu dépassé maintenant, parce qu'on sait aujourd'hui que le cholestérol qu'on trouve, par exemple, dans l'œuf, ne pose pas vraiment de problème. On a constaté que même jusqu'à un œuf par jour, il n'y a aucune augmentation du risque de différentes pathologies. Donc, on en est un peu revenu de cette histoire de cholestérol. L'œuf a longtemps, je dirais, payé entre guillemets son cholestérol, mais finalement, c'est un aliment extrêmement intéressant et bon marché. Nicolas, il y a un truc qui m'a surpris aussi. J'ai lu que le piment, ça brûlait les calories. C'est vrai, ça ? Alors ça, c'est à moitié un mythe. On a l'impression qu'on confond le chaud en bouche et vraiment la dépense de chaleur. Il y a, en fait, d'un point de vue scientifique, il y a un léger effet qui est obtenu, mais avec des quantités qui seraient presque immangeables sous forme de piment. Ouais. Donc l'effet existe, mais en pratique, il est malheureusement pas significatif. C'est-à-dire qu'on a beau pimenter ou poivrer son alimentation, ça va augmenter un tout petit peu la dépense énergétique, mais ça n'aura pas d'impact réel sur la balance. Contrairement à la viande blanche, la viande de dinde, il paraît que c'est bon ça. Ben, la viande de dinde, comme la volaille débarrassée de la peau, en tout cas, c'est une viande extrêmement maigre. Donc oui, c'est efficace pour couper la faim. Maintenant, l'inconvénient, c'est que c'est souvent une viande assez sèche, mm-hmm, et qu'on a tendance à... On n'est pas des pigeons, le best-of. Et la prochaine séquence best-of, c'est dans une demi-heure, Hubert, qui nous donnera tous les trucs pour se débarrasser des pucerons. En attendant, musique. Avec une plongée dans les années 80, 1983, U2 avec Sunday, Bloody Sunday. Alors là, ça, on a dansé là-dessus. Ah oui, ça, alors là, oui. Cause through

Cette question, les nouveaux médicaments coûtent-ils trop cher? Oui, selon plusieurs associations, les factures deviennent de plus en plus lourdes pour de très nombreux traitements. Testachat, les mutualités et l'association qui représente les patients lancent une pétition pour demander aux entreprises pharmaceutiques plus de transparence et qu'elles justifient aussi le prix des nouveaux médicaments. Julie Frère est la porte-parole de Testachat. Il y a des coûts importants pour la recherche et le développement, mais le problème, c'est que quand on demande aux compagnies pharmaceutiques de nous expliquer combien coûte réellement le développement d'un nouveau médicament, là, vraiment, on n'a pas de réponse. Personne n'est en droit de le savoir. C'est une information que les firmes pharmaceutiques ne révèlent pas. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une part importante de la recherche et du développement qui a lieu dans des universités qui sont financées par des fonds publics, donc par nos impôts. Donc d'une certaine façon, on paye deux fois, on paye via nos impôts et on serait payé un prix très élevé pour le médicament. La porte-parole de Testachat, jointe par Miguel Allo. Les gens du voyage installés à Mons depuis une semaine ont commencé à quitter les lieux dès hier. 300 caravanes, 950 personnes qui occupaient un terrain privé appartenant à l'intercommunal IDEA, juste à l'entrée de la cité du Doudou. L'IDEA a obtenu un arrêté d'expulsion, mais c'est surtout la coupure de l'eau et de l'électricité qui a convaincu les gens du voyage de partir. Deux jours de relâche à l'Euro de football, les premiers huitièmes de finale se jouent samedi. Les Diables Rouges, eux qui se sont qualifiés hier soir en battant la Suède, les Diables s'entraîneront ce soir à 18h. La Belgique qui affrontera la Hongrie dimanche soir à 21h à Toulouse. Et bonne nouvelle pour les supporters, l'UEFA va mettre en vente des places pour ce match sur son site internet dès 14h. Quelques places restent disponibles, des tickets qu'avaient achetés les supporters des équipes qui sont désormais éliminées de la compétition. RTBF Mobile Info. Oui. Caroline Gillet, une chaussée inondée du côté de Nîmes-Mézières. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup moins drôle évidemment, avec pas mal d'eau sur l'ouest du pays. Et donc la chaussée inondée au kilomètre 56 en direction de la France. Des ralentissements encore pour accéder à Bruxelles, principalement sur le 411 venant de Namur entre Vereys et Léonard. Vous perdez encore une demi-heure à cet endroit. Un camion est sur le flanc sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Bautersem. Le passage est difficile, mais pas de fil, en tout cas pas encore, en direction de la capitale. Perte de chargement, on le rappelle, sur le 40 Gand-Bruxelles à hauteur de Grand-Bigard. Conséquence, la station-service est inaccessible en direction de Bruxelles. Sur le Ring, ça reste assez chargé pour l'heure. Vous perdez encore 20 minutes en circulation intérieure entre Hautitre et Grand-Bigard. Partout ailleurs, vous perdez environ une dizaine de minutes et puis encore des ralentissements dans le centre de Bruxelles sur les tunnels de la Petite Ceinture. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Midi 30, les titres. 13h, le journal, ce sera avec Manu Delporte. Merci Marianne, bel après-midi. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20€. Europassistance.be, you live, we care. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Ça faisait longtemps. Quoi? Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé dans cette émission. Ah. On va se rattraper, les amis, dans cette deuxième partie dégustation de chocolat. On prendra la direction de l'atelier au chocolat, c'est à Dinan. On téléphonera Patrick aussi, qui a acheté un vélo électrique. Il est tombé en panne après 9 km. C'est bête, hein. Et malgré une garantie dépannage, le magasin lui a demandé de le rapporter lui-même, le vélo. Pas cool. On verra ce qu'on peut faire pour l'aider. Genre si on a une remorque, une camionnette, quelque chose comme ça. Séquence best-of, les trucs d'Uber contre les pucerons. On retrouvera ça avec plaisir, parce que les pucerons, c'est quand même saleté dans les jardins. Oui, un peu, ça. Si vous avez des trucs à nous dire, des bons plans, des astuces, n'importe quoi, Facebook est là pour ça. Oui, notre page On n'est pas des pigeons vous attend. Vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse est pigeon@rtbf.be ou laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Mais j'ai oublié l'SMS. Quoi ? 3063. Non. Donne tes doigts. Tiens. Non, clac, et je le fais en clac, plus. Clac, clac. Côté musique, il y aura du bon. Think twice, 'cause it's another. Another Day in Paradise, c'est dans la programmation musicale, ce sera signé Phil Collins, il y aura aussi Peggy. Vous vous écoutez, on n'est pas des pigeons. Bon appétit, tiens, si vous passez à table, c'est Vivacité. On est ensemble encore jusqu'à 13h. Sur Vivacité avec Ocean. Vous en voulez une barre? Puis ensuite, regardez, j'ai un baby roux. Ça, c'est Xavier. Bah, dites donc, monsieur. Je crois que vous êtes encore plus gourmand que moi. Ça, c'est Xavier. Quand on dit chocolat, il fait chocolat. Oui. Pascal Mao est avec nous en studio. Bonjour, Pascal. Bonjour, Thomas. Vous venez de Dinan. Votre atelier s'appelle Au Chocolat. Et vous faites du chocolat. C'est bien. Vous suivez, c'est magnifique. Alors, dans ce pays, et Dieu sait qu'on en a reçu des artisans depuis le début de la saison, combien d'artisans sont passés dans ce studio finalement? Alors, cette saison, pas mal, hein. À peu près 160 personnes. Ah, donc, et on peut déjà tirer un petit bilan. Le Belge, quand il se lance dans l'artisanat, fait soit de la bière ou du chocolat. Eh ben, voilà. Vous êtes côté chocolat. C'est quand la bière? On a de la bière cette semaine? Mercredi de la semaine prochaine. Ouais. Pourquoi l'idée de se lancer dans le chocolat, dans le pays du chocolat? D'accord, parce qu'il y a une tradition, peut-être, mais il y en a tellement que c'est pas facile. Hein. Mais en fait, ça vient de l'enfance. Comme on dit, on va être pompier, policier. Moi, je voulais être chocolatier. Sérieux? J'avais une addiction au chocolat. Ouais. Et en même temps, vous n'avez pas fait ça tout de suite? Non, non, pas du tout. Voilà, et à l'âge de donc 41 ans, ma compagne a décidé de faire donc la chocolaterie. On s'est lancés tous les deux. Et puis, ça a commencé les amis, et puis les amis des amis, et puis ça a commencé à circuler, un partenaire, deux partenaires, trois partenaires. Et puis voilà, la chocolaterie était lancée. Elle avait un bon départ, malheureusement, ouais. Mais comme on l'avait expliqué, une chute de ma compagne nous a malheureusement contraints à arrêter pendant un an et demi. Mm-hmm. Et puis tous les amis, les partenaires nous relançaient assez souvent. Et on s'est dit, bah tiens... Mais voilà, ça veut dire que vous avez appris ça sur le tas ou... Ma compagne a fait donc un stage chez Pierre Hermé à Paris où elle a eu le virus du chocolat. D'accord, exactement, okay. Voilà, un trader dans des maisons étoilées aussi bien en France qu'en Belgique. partie restauration à ce moment-là. Ouais. Et puis voilà, après journée, on a commencé à la chocolaterie et elle a fait des cours à Uccle de chocolaterie. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle Au Chocolat, c'est à Dinan. C'est l'atelier Au Chocolat. Vous avez beaucoup de choses dans votre gamme, mais c'est pas démesuré non plus. Vous n'êtes pas venu avec 15 ballotins de praline. Ah, il y a beaucoup, donc, hein, oui, non, d'accord, mais vous faites la particularité. Le produit, si vous deviez en mettre un en avant, vous êtes fier de quoi ? De toutes les pralines, par exemple, un peu dégustation, ce qu'on appelle les croques. Mm-hmm. Alors, pour la petite histoire, la croque vient, au départ, on avait fait la framboise, et beaucoup de clients nous disaient, tiens, on dirait vraiment qu'on a trempé le fruit dans le chocolat et qu'on le croque. Bon, on le goûte, la framboise. Hein? Alors. J'ai goûté l'autre, moi. Non, la framboise, c'est vrai que j'ai l'impression de piocher dans le pot de confiture super framboise. Non, c'est bon. Mais alors, il y a quoi d'autre, en fait? Des trucs un peu originaux? Comment on fait pour se démarquer? Justement, on va choisir, dire voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait un produit et on fait un prix. Nous, on a décidé de faire un produit et de voir un peu quelles matières premières on avait à notre disposition en Belgique. Vous avez plusieurs types de pralinés. On a pris Beigelard une bonne qualité. Par exemple, s'entourer de producteurs locaux en matières premières, que ce soit le safran, par exemple, la crème, le beurre ou les purées de fruits. Et voilà, et de dire, tiens, on fait des alliances classiques comme la framboise. On la fait bien, donc c'est 100% naturel. Pas d'arôme, pas de colorant. Et là, ici, il y a le safran. Ouais. Déjà franc, mais c'est original parce que c'est une coque et quand on croque à l'intérieur, on a un truc un peu liquide. Ouais. On joue aussi sur les textures, donc la framboise c'est très liquide. Comme une deuxième couche à l'intérieur. Ah mais c'est bon. Non, c'est super bon. L'effet surprenant, en tout cas, on s'attend pas du tout à ça. Très honnêtement, j'avoue que c'est pas mon truc le liquide à l'intérieur du chocolat, ça a jamais été mon truc, donc voilà, ça se discute pas. Mais par contre, vous faites aussi du chocolat qui se déguste avec des bières, qui se déguste avec du vin. Xavier, oui, la bière, c'est mon truc, ça va. Mais en même temps, c'est super original parce que monsieur vous a mis devant vous un chocolat au piment d'Espelette. Et il est au celui-là, oui. Sérieusement, ça sublime le côté chocolat. C'est un petit côté piquant. Franchement, c'est très, très bon. Mais déjà, le look du truc, on dirait une plaquette de médicaments. Ah, tout à fait. On dit que le chocolat est un excellent médicament, parce que c'est un excellent antioxydant, etc. Il y a une liste impressionnante. Antidépresseur pour la tension. Vous avez voulu en faire une plaquette de médicaments exprès. Voilà, quand on a vu le moule, on a tout de suite plongé dessus en disant, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Et, Alors, au piment d'Espelette, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça le fait, avec ce petit côté piquant. Il y a un vrai, vrai bon chocolat noir là derrière. Et on sent effectivement qu'il y a la qualité. 70% de chocolat, c'est ça que vous me disiez hors antenne. Et alors, l'autre, c'est avec du sésame. Et là, ça se consomme avec de la bière. Voilà, une bière ambrée, gourmaise, de préférence, pour ne pas la citer. Avec des moines trapistes là derrière. Voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment l'alliance parfaite. Mais autrement, une bière ambrée classique. C'est très bon. Ça se consomme même sans bière. Ouais. Oui. Oui, aussi. Non, mais de toute manière, ça ouvre qui les papilles. N'aime pas le chocolat. Franchement, me jette la première pierre. Tout le monde. La première bière. Me jette la première bière. C'est vrai que tout le monde aime bien le chocolat à divers degrés, évidemment. Si vous êtes tombé sur des addicts, pas de chance, on va vous manger toutes les ballotins. Mais alors, vous ne faites pas que du chocolat, il y a aussi des pâtes à tartiner. Voilà, tout à fait. Qui ont la particularité d'être 100% naturelle. Donc, la composition, c'est uniquement chocolat, crème et praliné. Et donc, d'ailleurs, ça se voit à la solidité de la pâte. Voilà, tout à fait. Il faut en mettre. Est nettement plus. Mais ça doit être chaud parce que quand on a des grosses marques qu'on connaît bien, qui trustent le marché dans les pâtes à tartiner, c'est difficile quand même de réaliser avec une pâte à tartiner. Parce que les tendances, on revient de plus en plus aux produits terroirs, aux produits d'antan. On s'est inspiré d'une pâte à tartiner de nos grands-mères, je veux dire, voilà. Et conservation 4 mois au frigo, on la sort une demi-heure avant de la tartiner et elle est juste à bonne température. Oui, au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Hein. C'est quand même très. Ah tiens, il n'y a pas d'huile de palme. Quelle déception. On va terminer parce que il faut un moment terminer. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ça coûte combien un petit ballotin de praline ou une pâte à tartiner chez vous ? Nous sommes à 44€ du kilo. 44€ du kilo, voilà. C'est vrai. Même pour les safrans, hein, c'est en euros. Tu vois, c'est pas parce que c'est du safran que ça coûte ça. Ça coûte safran. On est en euros depuis déjà un bout de temps. Et un site internet peut-être pour retrouver toutes les infos. Oui, donc c'est www.latelierauchocolat.be, la lettre O de chocolat. On vous a délesté de tous vos produits. Hein. C'est pas grave. Vous repartez les mains vides. Je suis une réserve. C'est le principal. Maintenant, chez Colruyt, des tickets de cinéma gratuits. Achetez pour 30€ de produits Coca-Cola, Jupiler ou Ola et recevez un ticket de cinéma Kinépolis gratuit. Conditions en magasin ou sur colruyt.be. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Les arts

1989, signé Phil Collins, Another Day in Paradise. On replonge dans les souvenirs dont n'est pas des pigeons, une saison remplie de plein de choses, dont plein de trucs et astuces que nous donnait Hubert régulièrement. Il y a quelques semaines, c'est ces trucs et astuces pour se débarrasser des pucerons qui nous intéressaient. On n'est pas des pigeons, le best-of. Tremblez, vous qui êtes amateurs de balcons fleuris. Tremblez, amoureux des rosiers, des capucines et autres fleurs. Ils sont là, ils arrivent, les pucerons. Agglutinés en grappes gluantes autour des jeunes pousses. Ils peuvent être verts, roses, rouges, noirs, il y en a de toutes les couleurs. Aucun végétal ne leur échappe. Ils affaiblissent la plante, ils déforment les feuilles. De plus, les pucerons peuvent transmettre des maladies aux plantes par leurs piqûres. Ils se reproduisent à une vitesse folle et peuvent envahir une plante sans que l'on ne s'en aperçoive. Mais pourquoi faut-il autant de dégâts? Mais pourquoi? Mais ce sont des envahisseurs, Sébastien. Les pucerons, je vous explique. Oui. Les pucerons se nourrissent de la sève des plantes. L'une des espèces ravageuses, d'ailleurs, la plus célèbre et la plus connue, est le phylloxéra. Ouais, d'accord. Qui a détruit le vignoble français au 19e siècle. C'était un puceron. Bref, à l'exception des fourmis, pour tous, L'excédent de sève qu'il mange sort par l'anus du puceron. D'accord. Sous forme de miella. Oui. Eh bien, les fourmis raffolent de ce miella. Elles vont jusqu'à masser les pucerons, les traire pour manger leur miella. Voilà, c'est manger leur crotte. Manger leur crotte. Les fourmis protègent d'ailleurs les pucerons. Il y a les insecticides du commerce, mais on connaît le danger d'utilisation et les dégâts qu'ils peuvent causer à l'environnement. Je suis donc, moi, pour des méthodes naturelles. D'accord. Elles existent, les méthodes naturelles? Bien sûr. Alors, si les pucerons ont leurs défenseurs, les fourmis, heureusement, ils ont aussi leurs prédateurs naturels. Les chrysopes, notamment, les syrphes, ce sont des petites mouchettes qui ressemblent à de petites guêpes, mais surtout les coccinelles. Ouais. Alors, que ce soit les larves ou les adultes coccinelles, elles adorent bouffer du puceron. En une journée, mm-hmm. une larve de coccinelle peut bouffer jusqu'à 100 pucerons. Ah bien, oui, quand même. Alors, si vous avez ce genre d'insectes dans les jardins, tant mieux pour vous. Mais bonne nouvelle, vous pouvez aussi en acheter. Maintenant, dans les jardineries, vous allez commander des larves de coccinelle. On vous les livre, vous les mettez dans des petites boîtes, vous les répartissez mm-hmm. dans ça coûte votre jardin. Bon, voilà. Il y en a qui coûtent cher et il y en a d'autres qui coûtent pas cher. Il faut juste se renseigner. Mais je me renseignerai pour cet après-midi. Voilà. Oh non, oui, comme ça on aura le prix. Mais c'est assez délicat à utiliser parce qu'elles sont très sensibles à la météo. Donc, Mais oui, justement, quand il fait trop froid, quand il pleut, ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres moyens plus simples. Oui, alors des moyens plus simples. Alors ici, c'est le seul cas où je peux vous recommander l'usage du tabac. C'est très efficace contre les pucerons. Alors, c'est simple, vous laissez macérer un paquet de tabac pendant 24 heures, ensuite vous filtrez, vous y ajoutez 15 décilitres de vinaigre et 15 décilitres de savon noir, et puis vous vaporisez. Alors, c'est très efficace. L'ail aussi, ça fonctionne. Vous prenez une tête d'ail, vous la broyez, vous mettez le pulpe, vous laissez infuser dans l'eau, vous filtrez, et puis vous vaporisez. Il y a encore des choses. Le plus simple, vous voulez le plus simple? Oui, le plus simple. Oui. Le plus simple, c'est le savon noir. C'est un insecticide de contact, il tue les larves et en même temps, il nettoie le miella. On fait comment? Qui englue les fruits. Ah oui, non, chaque fois que je dis miella, vous riez. Je vous donne la formule. 5 cuillères à soupe de savon liquide dilué dans 1 litre d'eau tiède. Une fois la préparation refroidie, vous pulvérisez sur les plantes atteintes en prenant soin de bien pulvériser en dessous des feuilles aussi, c'est important. Vous renouvelez ça une ou deux fois si c'est nécessaire et vous serez complètement débarrassé des pucerons. Cool. Et s'il reste un peu d'eau savonneuse, eh bien vous pouvez les vider sur les fourmilières qui sont gênantes et qui, justement, entretiennent les pucerons. On n'est pas des pigeons, le best-of. Athénée Maurice Destenay, le meilleur choix pour les études. Tous les types d'enseignement, de l'immersion en anglais et un apprentissage moderne avec, entre autres, tablettes et tableaux interactifs. Athénée Maurice Destenay, désormais 3 implantations avec un premier degré sur le site EC Carré, près de la Médiacité. Ça bouge à Destenay. Info 04 343 04 28. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace.

C'était Puggy avec Lonely Town. Et c'est quoi ton problème ? Nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. C'est Patrick qui a un problème. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, vous Bonjour. Vouliez faire le Tour de France. Vous vouliez vous entraîner pour le Tour de France. Et faut être moderne, il faut vivre avec son temps. Vous avez donc pris un vélo électrique. Comme les coureurs du Tour de France, peut-être. Mais eux, c'est plus discret. Vous avez donc acheté un vélo électrique. C'était chez Macro, début du mois de mai. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Oui, combien vous a coûté ? 1000 euros. Ah ouais. C'est un beau vélo. C'est déjà un beau vélo. Mais le problème, c'est que vous avez enfourché votre bécane. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh ben, après 9 km, l'assistance électrique est tombée en panne. Donc voilà, bon, pour un vélo électrique, c'est pas de chance. Oui. Alors j'ai contacté le service après-vente, Macro. Ils m'ont proposé de m'inscrire sur un site d'une société de dépannage. Et la société de dépannage m'a répondu que je devais aller réparer mon vélo chez un commerçant et que eux, ils interviendraient pour une somme forfaitaire de 75 euros. J'ai pas accepté. Et alors la deuxième solution, c'est qu'il me proposait de ramener le vélo dans un Macro. Mais bon, charger un vélo dans un véhicule normal, c'est pas évident, quoi. Mm-hmm. Alors j'ai refusé aussi. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qui. Mais il y a une garantie. Vous leur parlez de garantie, ils répondent quoi ? Voilà, il y a une garantie de 3 ans avec dépannage au domicile du client. Ah, donc en plus, c'est le vélo qui doit venir, eux, le rechercher chez vous. Voilà, c'est ça. Okay. Venir le rechercher ou le dépanner chez le client. D'accord. Et en plus, dans cette garantie de 3 ans, il y a un entretien gratuit une fois par an. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer durant ces 3 années, mais bon... Là, pour l'instant, ça ne se passe pas, puisque ça ne roule plus. Enfin, si, ça roule, mais il n'y a plus de l'assistance électrique. Voilà qui est fâcheux, alors qu'on parle de garantie légale, surtout que Patrick, en plus, en l'occurrence, il avait une garantie dépannage à domicile. Dans ce cas-là, on téléphone chez Macro. On a la porte-parole de Macro, Julie Storieux, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit de cette histoire chez vous ? Qu'on regrette très très fort la situation. Ça, c'était vraiment un concours de circonstances et que Murphy était présent. Et qu'aujourd'hui, on a, je pense, une très bonne solution pour Monsieur Patrick. Et on a fourni un nouveau vélo à domicile. Ah d'accord. Oui. Donc il va être livré, un nouveau vélo tout neuf à domicile. Voilà, en effet. Et en plus de ça, pour tous les désagréments, de bons d'achat. Comme ça, il pourra s'acheter des bonnes petites choses pour des pique-niques lors des bonnes balades à vélo. D'accord. Oh, bon, alors voilà, Patrick. Là, sur ce coup-là... Oui, d'accord. c'est bien. Eh bien, votre enthousiasme fait chaud au cœur. Oui. Patrick, vous n'avez pas l'air content ? Qu'est-ce qui vous chipote ? Parce que je me pose la question, si dans les 3 années, enfin, comme j'ai une garantie de 3 ans, si dans un mois, le nouveau vélo retombe en panne, si je dois encore recommencer toute cette procédure. Alors, on rappelle, et on l'a déjà dit 15 000 fois dans cette émission, il y a une garantie légale européenne, ça fonctionne dans tous les pays, c'est une obligation. Votre vélo est garanti 2 ans. Maintenant, on ne comprend pas du côté de Macro, et c'est pour ça que je me retourne vers vous, Julie Storieux. Pourquoi, quand un vélo est garanti 2 ans, on met des pincettes à aller le rechercher à domicile, alors que c'est prévu dans le contrat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où ça a foiré ? Alors, où ça a foiré, c'est surtout le fait où quand monsieur a téléphoné à notre service clientèle, on n'a pas posé les bonnes questions et qu'on a envoyé des mails qui étaient erronés. Le mail que monsieur a reçu était un mail destiné à un réparateur de vélo et pas le mail pour le client. D'accord. Donc en fait, il y a vraiment eu plein de petits couacs dans toute l'histoire. On a revu maintenant le script de nos services après-vente, donc de collègues qui répondent au téléphone pour qu'elles posent les bonnes questions aux clients et qu'ensuite on sache bien les guider par rapport aux solutions à trouver ensemble. Et en plus, votre histoire, Patrick, aura servi quelque part le service après-vente. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, le vélo, il va être livré à domicile, neuf, d'accord. Et la garantie légale fonctionnera encore pendant 2 ans. Et s'il y a un problème... Même 3 ans. Mais s'il y a un problème entre-temps, vous nous rappelez, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Et vous l'aurez avant le Tour de France. Vous pourrez

Hitler, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas, on s'était dit des choses. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas. Julien Doré, Paris Seychelles. Les Seychelles, ça c'est une belle destination pour les vacances, dites donc. On n'est pas des pigeons. Partez-vous aux Seychelles, partez-vous ailleurs, partez-vous, dites-le nous sur la page Facebook, comme plein d'autres choses que vous pouvez nous dire sur la page Facebook, parce que ça réagit. Oui. Notamment par rapport à un sujet dont on a parlé dans le journal de la Conso, c'était il y a 1h15. Oui, sur les distributeurs d'œufs à Walcourt. Oui, donc ce qu'on appelle une poule communément, mais qu'on a réinventé la poule. Alors vous êtes foutu de moi, et aussi alors, dans les journaux. Vous ne croyez jamais pas, vous ne croyez pas au projet de ce monsieur. Donc mais ça c'est déjà si, un, c'est mais moche. À fond qu'on y croit. Et deux. Tu sais quoi, même alors pour te dire à quel point j'y crois, prochaine fois je passe par Walcourt, je vais chercher des œufs dans le distributeur et je fais une photo. Chiche. Mais évidemment. Alors. Justement, on vous disait que c'était... Attendez, parce que je m'en mêle dans le fil de mon casque. On vous disait que... Sinon, ça va, la vie. C'était... Oui, oui. T'as d'autres choses à dire ? Laisse-moi expliquer. On vous disait donc que c'était peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on disait dans Sud Presse, peut-être une première belge. Oui. Mais pas du tout. Parce qu'on a déjà reçu le message de Marc qui nous dit que ça existe depuis 7 ans en province de Luxembourg. Et oui, mais tac, où Sud Presse. On ne sait pas. Eh bien, c'est pas grave, parce que Damien va nous donner son bon plan à lui. Ça existe à Romeden. Romeden, c'est pas en province de Luxembourg, c'est à Philippeville. Mais voilà, là, c'est depuis 2 ans. Vous êtes doué en géographie, vous. Trop je fort. Suis surtout doué en Wikipédia. Alors, il y a aussi Davy qui nous dit qu'il y a un distributeur d'œufs à Nadrin. Nadrin, c'est dans la commune de Oufalize et ça existe depuis quelques années. Et puis, Étienne nous dit que c'est sympa comme idée, le distributeur d'œufs. Pour info, j'ai découvert il y a peu un distributeur d'appât pour la pêche devant un magasin sur le zoning de Nanine. Nanine, c'est près de Namur. On vend dans ce distributeur des vers de terre et des astigots. Non, en fait, non. Les astigots, en fait, on vendait des fromages et puis personne venait. C'est et resté donc, un peu trop longtemps. Aujourd'hui, mais c'est nous des astigots. Pour une partie de pêche improvisée, le dimanche matin, quand tout est fermé, c'est sympa. C'est vrai. C'est ben vrai voilà. Et ça, c'est super original. C'est génial. Si le dimanche matin, tu as envie de faire une partie de pêche improvisée, tu vas par à Nadrin. Nanine. Puis, non, Nanine, ça, c'est Nanine. Et puis, tu passes par Walcourt chercher des œufs pour l'omelette. Ben mais, oui. mais c'est super. Tu fais un tour de Wallonie et tu visites. Si vous avez d'autres choses à nous dire et d'autres bons plans à nous communiquer, c'est sur la page Facebook que ça se passe. Take a breath, rest your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right.

and get you and get it on. Ooh, baby, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, on to the dawn, let's move and get you and get it on. Let's move and get you and get it on. Charlie Puth avec Meghan Trainor pour la voix féminine et cet hommage à Marvin Gaye. Il y a des coups de gueule ? Évidemment qu'il y en a des coups de gueule. Il y en a plein, ils arrivent là maintenant. Tito Vos. Oui, Lemens. À part la Belgique, t'es pour quelle équipe, toi, à l'Euro ? Mais pour le Brésil, hein ? Quoi ? Le Brésil participe à l'Euro ? Oui, à chaque match dans mes frites, oui. La sauce Brésil, bien de chez nous. La voilà ! De Vos Lemens. À table ! Pas des pigeons. Comme chaque jour, direction la page Facebook pour lire les coups de gueule. Il est signé Guylaine aujourd'hui. J'ai acheté une tondeuse RoboMow. Mon voisin possède également une tondeuse robot. Quand la sienne fonctionne, la mienne tourne en rond, s'arrête et note hors zone. Je dois alors la pousser au milieu du jardin, la redémarrer et cela 3 ou 4 fois durant l'heure où elle tond. Ouais. Mais c'est un peu embêtant. Parce ils que sont sur la même fréquence alors. Mais c'est drôle, vous imaginez. Il n'y a qu'un des deux voisins qui peut tondre sa pelouse. L'autre ne peut pas. C'est embêtant. Et en plus, c'est censé être automatique. Mais si 3 ou 4 fois sur l'heure, elle doit aller la relancer, Guylaine. À mon avis, il y a un problème de fréquence. Il y a moyen de régler ça en allant dans le, le mode d'emploi ou chez le réparateur. Autre coup de gueule. Ah oui, Consult Presse, il y a un qui dit que le premier distributeur 2 est en Belgique et c'est le seul et l'unique. On a plein de réactions sur Facebook. Ah, il y a oui. plein de gens qui nous disent qu'il y en a près de chez eux. On a encore une nouvelle réaction, celle de Françoise qui nous parle d'un distributeur à Aide. C'est dans la commune de Durbuy. Un distributeur à la ferme depuis plusieurs années. Alors la facilité, Sud-Presse, c'est bien, c'est de dire que c'est le premier en Belgique. L'information, c'est de se renseigner et de dire qu'il y en a d'autres, et beaucoup, c'est pas nouveau. Si vous avez d'autres choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. On rappelle qu'il y a moyen de joindre la rédaction autrement. Oui, par mail par exemple. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Et puis notre répondeur aussi est là au 070 222 660. La suite sur Vivacité, c'est vous Sylvie, vous prenez le relais avec La Vie du Bon Côté. On parle de quoi ? On parle d'un roman initiatique. Je vais vous présenter ce roman initiatique d'Anne Van Stappen qui vient d'être réédité et qui s'intitule « Ne marche pas si tu peux danser ». Roman de la communication non violente qui permet au lecteur de découvrir des clés pour améliorer ses relations, notamment en s'affirmant sans agresser et en écoutant l'autre sans s'effacer. On appelle ça la communication non violente. Et dans ce livre, préfacé par Pierre Rabhi et Lara Fabian, qui est votre amie ? Bonjour Anne Van Stappen. Bonjour Sylvie. C'est votre amie Lara Fabian. Voilà, j'ai eu l'occasion de la côtoyer quelques fois grâce au livre. Grâce au roman. Oui. Parce qu'elle elle le dit dans sa préface, elle dit « Ce qui m'a touchée profondément, c'est la fougue et le charisme de Sophia. » Sophia, c'est l'héroïne du livre, qui a 32 ans. Elle a un guide qui lui transmet des stratégies bienveillantes à mettre en œuvre afin de freiner ses ardeurs. Et grâce à cela, donc, elle a fait connaissance avec la communication non violente qui est la pierre angulaire de ce roman et qui est vraiment votre façon de vivre aujourd'hui. Depuis que vous êtes formatrice certifiée, ça fait combien de temps maintenant que vous l'êtes ? Ça fait plus de 20 ans. Et c'est vrai que peu à peu, c'est un chemin qui m'a transformée et qui m'a permis de parler, par exemple, pour moi plutôt contre l'autre, oui. qui m'a permis de, quand j'écoute quelqu'un et que je lui demande comment vas-tu, j'aimerais bien savoir comment vous allez. Oui, d'entendre là, vraiment la réponse, voilà. d'écouter vraiment la réponse. Oui. Et donc, c'est ça qu'on va mettre en valeur aujourd'hui, la communication non violente et ce roman initiatique que je vous conseille pour l'été. C'est le livre à lire, un des livres, évidemment, que je vous conseille souvent à lire cet été. 070 23 33 23. Si vous souhaitez venir nous en parler, si vous l'avez déjà lu, 3063. Si vous souhaitez parler de la communication non violente, ce sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis, que voici. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Bonne journée à tous. Les orages ont déjà bien grondé ce matin sur l'ouest du pays et on s'attend encore à ce que cet après-midi des averses se développent sur l'ouest et puis le centre. L'est et le sud sont un petit peu épargnés avec un soleil plus généreux. C'est d'ailleurs pourquoi on retrouvera 30 degrés de la Campine jusqu'à l'extrême sud du pays. On notera 26 à 27 dans le centre du pays, 23 au littoral où le ciel restera plus menaçant. Des risques d'averses orageuses, il y en aura encore pour ce soir et la nuit prochaine et il pourrait cette fois gagner toutes les régions. Les températures resteront encore douces demain, de 22 à 25 degrés localement sur l'est, mais pour le week-end après les averses, eh bien on reviendra à un temps sec et des températures tout juste de saison, comprises entre 19 et 22 degrés. Merci d'écouter Vivacité, il est 13h. 46 millions de Britanniques aux urnes. Les derniers sondages sont légèrement en faveur du maintien. On vote jusqu'à 23h en Grande-Bretagne pour ou contre le maintien dans l'Europe. Oui, on peut encore acheter des places pour les Diables.